Merci Jean-Marie, merci de ces descriptions du champ de bataille. Et nous allons bien sûr la reprendre sur d'autres cas dans un instant. Donnons-nous cependant 10 minutes de questions, peut-être pas de débat à proprement parler, questions qui permettraient au fond d'éclaircir des points de description des possibilités qui nous sont ouvertes. En d'autres termes, peut-être pourrait-on convenir que notre débat porte d'abord sur quelles options sont aujourd'hui possibles. Mais bien sûr, c'est à vous d'en décider. Je vous en prie. Je vous demanderai à chacun de vous présenter avant de prendre la parole, de façon à ce que l'enregistrement fasse état. Denis Jouan, moi je suis élu sur la liste Résistance au conseil d'administration de la FCS Paris-Saclay. Et donc justement, moi ce qui m'interpelle, c'est le texte lui-même, comme vous l'avez dit, il est flou et il est relativement concis. Il y a des choses qui sont d'ailleurs un peu absurdes dedans, c'est en train d'évoluer. Mais il me semble qu'il reste des degrés de liberté que vous n'avez pas évoqués. Bon, je ne vais pas prendre la parole pendant 10 minutes, donc j'en retiendrai que deux. Les statuts, bien sûr, doivent évoluer, parce qu'un des grands risques, c'est que le système devienne complètement opaque, ce qu'il a eu tendance à être dès le départ de la structuration de ces nouvelles structures. Comme ça a été dit, hein, il n'y a pas de discussion, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, justement parce qu'il y a une déconnexion totale avec la base, mais malgré tout, il est possible, à travers les textes qui vont être mis en place, de faire plus que ce qu'il y a dans la loi. La loi est un minimum. Alors il y a par exemple le point des statuts, des futures évolutions de statuts, qui sont quelque chose d'essentiel par rapport à la liberté relative des établissements, à l'équilibre de subsidiarité, qui à mon sens est une question fondamentale. On n'est pas obligé de tomber dans le système centralisé. On pourrait garder un système avec de la subsidiarité. Or ça, ça va dépendre du pouvoir relatif de l'échelon central par rapport à ces nouveaux statuts. Or, le texte ne dit que les statuts sont décidés au niveau de la commune, mais rien n'empêche de mettre dans ces statuts qu'ils doivent repasser par les établissements. C'est d'ailleurs ce qui va être fait, non pas au niveau de ces textes-là, mais au niveau, par exemple, de l'Université Paris-Sud. Il devrait être écrit dans les statuts de l'université que les futurs statuts devront être vus auparavant dans l'université. Ce qui permettrait d'éviter cet aspect centralisateur. Vous voyez ? Un autre point, c'est l'élection directe. Vous avez dit l'élection directe est impossible. C'est pas vrai. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est dans l'état actuel des futurs statuts de l'université de la commune Paris-Saclay, ça devrait être des élections directes. Ça peut se faire par électronique, il n'y a aucun problème technique, c'est faisable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de répartition éventuels, mais au moins sur ces deux points-là, c'est tout à fait possible d'avancer. C'est important de voir que les statuts qui vont sortir maintenant, et c'est déjà presque trop tard, justement, je suis venu ici parce que j'aimerais bien savoir quelles sont les réflexions à Paris là-dessus. J'avais l'impression que, notamment sur la question des élections, il y avait effectivement une espèce d'inconscient collectif à Paris qui disait que, bah non, on ne peut pas faire d'élections directes. Oui, donc c'est important de savoir. Je vous remercie. Je passe bien sûr tout à l'heure la parole à la table qui va faire état de différences d'interprétation de tous ces textes. Mais d'autres questions, s'il vous plaît. Pascal Laborier. Donc, élu à Paris 10, Nanterre. Juste une remarque sur la question du fédéralisme, la subsidiarité dans les systèmes fédéraux. Il y a quand même un terme dont on n'a pas parlé qui est très important, c'est que normalement, lorsqu'on parle de fédéralisme, on parle de péréquation financière entre les entités. On n'en parle pas du tout dans ces débats. Et il me semble que c'est très important, parce que c'est ça qui fait tenir le fédéralisme, la péréquation. Et la subsidiarité, ce n'est pas du tout un terme juridique ex nihilo. Les systèmes fédéraux tels qu'ils se sont inventés, c'est un arrangement politique. La subsidiarité n'existe pas en tant que telle. En général, elle est ascendante ou descendante. Et donc, ça veut dire qu'il faut toujours négocier politiquement le fait, si c'est l'échelon supérieur ou inférieur, qui doit intervenir. Donc, ça, le terme de subsidiarité, c'est un terme vide. C'est-à-dire qu'on peut interpréter ça dans les contextes. C'est pour ça que ça rend ça si dangereux. Moi, je connais très bien le cas de l'Allemagne, que j'ai travaillé sur la subsidiarité et les arrangements locaux, que ce soit régionaux ou nationaux. Je peux vous dire que même dans les cas où on est sûr que c'est un cas de subsidiarité régionale, eh ben, en fait, l'État fédéral peut très bien intervenir. Donc c'est juste une remarque. Mais il faudrait quand même penser à introduire l'État. Enfin, la péréquation financière, ça veut dire qu'on a un système où on recalcule l'équilibre entre les parties les plus pauvres de la fédération et les plus riches de la fédération. Ça, j'ai pas le sentiment qu'on fait ça dans nos fédérations. D'accord, merci. Une ou d'autres questions, s'il vous plaît. Jean-Pierre Vallat, professeur à Paris Diderot et ex-élu du CA du Presse Sorbonne Paris Cité. Moi, je voulais revenir sur les modes de fonctionnement. J'ai siégé pendant 5 ans comme élu au CA du Presse. De toute façon, le pouvoir était entièrement confisqué par le bureau et au sein du bureau par le bureau de l'IDEX. C'est-à-dire que vous pouvez voir, puisqu'ils sont en ligne, tous les votes du CA du Presse, c'était 2 élus contre 20 personnes qui votaient comme un seul bloc, tout, l'IDEX, les statuts, etc. Deuxième remarque, actuellement, devant le CNESER, sont reçus les présidents des communautés pour signer les contrats. Plus aucun président n'est convoqué. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une espèce de machine qui s'est mise en route, qui fait que dans les vagues qui ont lieu actuellement, et là aussi c'est pareil, moi j'ai vu des conseillers ministériels, au CNESER, aucune voix ne fait, aucune voix syndicale, pas plus le SNCS que le SNESUB, que la FSU, que le SGNCFDT, encore moins bien évidemment, qui s'élève pour faire une déclaration préalable en disant de toute façon, ce système, nous sommes contre. Ils reçoivent les présidents des communes, on leur dit que c'est Jean-Yves Mérindol aujourd'hui, ni Salzmann, ni aucun président, ni Madame Clérissy, ni aucun président ne se présente devant le CNESER. Donc il y a des choses qui sont déjà actées dans les têtes. Voilà des informations tout à fait fondamentales. Encore une ou deux autres questions ? Oui, Jean-Philippe Hurtin, élu au conseil académique de l'Université de Strasbourg. Juste un point par rapport à Strasbourg dont on a dit un mot tout à l'heure. Alors effectivement, c'est une forme d'association, mais il n'empêche que déjà sous la formule de l'association, il y a un chef de file qui est l'Université de Strasbourg, qui a déjà des fusions. Les collégiums sont fusionnés, les écoles doctorales sont fusionnées, etc. Donc il y a déjà énormément de fusion derrière la forme associative. Ça, c'était le premier point. Donc déjà, enfin, on va vers une forme aussi de commune. Deuxième point qui est une interrogation, c'est que, alors, en même temps, Strasbourg, voilà, a vécu une fusion entre les 3 universités de Strasbourg, puis une fusion-acquisition, je dirais, de l'université de Haute-Alsace, de Mulhouse. Le truc, c'est que ça ne fonctionne pas, quoi, en fait. C'est que ça ne fonctionne pas du tout. C'est un bordel d'une noirceur, mais incroyable. Donc, est-ce que nos réformateurs ont l'idée aussi que voilà, ces espaces d'énormes mastodontes, tout simplement, ne vont pas fonctionner parce que ils vont s'écrouler sous leur masse interne. Je suis pas physicien, donc je laisse l'image à d'autres. Merci pour la métaphore. Peut-être une dernière question, monsieur, au premier rang. Et puis Yves Cohen, et ensuite on clôt. Je vous en prie. Michel Bernard, je suis membre du conseil d'administration de Paris 3. Une série d'informations, remarques pour compléter ce qui a été dit. La première, c'est que je crois qu'il faut se souvenir que les presses avaient... C'est une idée qui avait été lancée par les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, promue par Sauvons la recherche. Donc mais c'était dans le discours de Bruno Andréotti tout à l'heure. Le rapprochement d'universités n'est pas une idée complètement absurde. Et les universités ont déjà depuis longtemps l'habitude de travailler ensemble en réseau. Ça n'est pas quelque chose de complètement absurde. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est la manière dont on s'est emparé de cette idée, comme beaucoup d'idées, d'ailleurs, des assises de la recherche, pour en faire ce monstre actuel, qui, je crois, a comme principal objectif de faire le sale travail que les universités, même indépendantes et autonomes, n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire supprimer des emplois statutaires de fonctionnaires, faire payer les étudiants et faire entrer l'entreprise dans l'université. La LRU n'a pas été suffisante parce que les universités sont encore un peu timides de ce point de vue-là. Il y a peut-être encore trop de démocratie dans les universités. Au niveau des communes, ça sera peut-être plus simple. Deux autres informations, je ne sais pas si tout le monde les a eues. D'une part, pour montrer le niveau de cafouillage juridique auquel nous avons affaire, il y a eu cette affaire du cavalier législatif, c'est-à-dire qu'on a fait passer dans une loi sur l'agriculture, le dernier épisode s'est joué il y a très peu de temps au Sénat, un complément qui devrait permettre de passer au-dessus d'un certain nombre de règles démocratiques, en particulier la question du scrutin direct et la question des 75% d'établissements représentés. Ça cafouille. Lisez les débats si vous voulez avoir une idée du mépris dans lequel une certaine partie de la représentation nationale tient l'enseignement supérieur. Quelques députés, ELV en particulier, d'ailleurs, signalons-le, se sont battus pour signaler le scandale que constituait ce cavalier législatif. Le vote a été passé, évidemment, les godillots habituels ont voté. L'autre élément, c'est que les communes ou les futures communes parisiennes, les presses parisiennes, ont fait une déclaration récemment disant qu'ils étaient prêts à collaborer ensemble au niveau de la région, ce qui prouve bien qu'ils sont eux-mêmes conscients que le découpage de la région Île-de-France en communes est un risque et qu'ils ont anticipé en quelque sorte toutes les critiques qui pouvaient être faites à cet égard. Très bien, merci. Yves Cohen, et puis je repasse la parole à la tribune pour un instant. Je ne suis élu de rien du tout et je vais poser une question du coup assez locale. C'est, je voudrais savoir, sans anticiper sur le débat que j'espère on aura tout à l'heure, je voudrais savoir si ces statuts qui allaient être votés très prochainement, le 28 mai, puis en juillet, enfin je sais pas, est-ce qu'ils sont publics? J'ai entendu, un collègue m'a dit qu'il y avait une version zéro qui était publique. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce que, du coup, on peut les mettre en discussion, en l'occurrence, par l'Assemblée ou par les membres des écoles ou des établissements concernés? C'est effectivement une question locale. Je dois dire que je n'ai pas encore eu entre les mains cette version zéro des statuts du futur COMU. D'accord. Donc, on devrait pouvoir aussi les trouver chez nous. Donc, des très brèves réponses sur, au fond, la question, les communes sont-elles réformables? Donc la réponse technique sur la première partie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut amender pour limer les dents des communes, c'est possible. Cependant, il y a un principe que je n'ai pas évoqué, qui est que l'adoption finale des statuts ou, dans le cas d'une association, de la Convention est ce qu'on appelle une compétence liée du Premier ministre, c'est-à-dire qu'elle est soumise avant adoption à une analyse juridique. Et il faut que ça tienne juridiquement, de sorte que il y a une note de la DGSIP qui est parue il y a 3 semaines à peu près, qui dit que les statuts qui seront votés par les CA ne seront pas les statuts concoctés par les CA, mais les statuts révisés par la DGSIP. Alors, donc, est-ce qu'on considérera que cette chose qui est vraiment extrêmement importante, puisque au final, c'est le danger majeur de la commune, la capacité à se doter soi-même de compétences. Est-ce que c'est possible de limer les dents à ça sans être illégal dans la mesure où le texte de loi est parfaitement clair? C'est possible. Ou c'est possible que ça se fasse retoquer dans cette étape de l'analyse. On ne peut pas le prédire d'avance. Sur l'autre partie, la dynamique est dans l'autre sens, c'est-à-dire dans la plupart des regroupements, il y a moins de 10 établissements regroupés et on fait entrer des faux membres de sorte à franchir le seuil de 10 qui autorise à procéder à des élections indirectes. Il y a une volonté farouche de procéder aux élections indirectes, puisque des élections indirectes, on connaît le protocole. S'il y a, disons, une liste légitimiste et une liste d'opposition, eh bien, au deuxième tour, il ne reste plus du tout d'opposition. Donc, je doute que, là encore, ça soit possible d'obtenir ces amendements. Par ailleurs, il y a des combats dans Paris Centre qui sont pour passer à l'association, et c'est plutôt sur ce terrain-là que le combat a lieu pied à pied en ce moment, sachant qu'on a jusqu'au début juillet, si ça ne marchait pas, pour retourner aux amendements des statuts. Merci pour cette transition. On va s'arrêter. Cette transition à la deuxième partie qui est une description finalement de quatre combats en cours dans l'Île-de-France. Christophe, peut-être un mot. Très rapide. D'abord, par rapport à cette question, donc, je crois que ça montre bien qu'il faut, il faut se garder de croire qu'on va être plus malin longtemps que les réformateurs parce qu'ils ont des armes juridiques, ils ont la vitesse, etc. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur l'idée qu'on aurait tout d'un coup la recette miracle nous permettant d'exploiter telle ou telle faille. De ce point de vue, il me semble que nous sommes en train de nous faire un peu piéger par cette question du scrutin direct ou indirect. Parce que je vois arriver gros comme une maison dans beaucoup d'endroits, nos présidents et présidentes, ils viendront triompher en disant « je vous ai obtenu le scrutin direct alors qu'on aura les communes ». Donc au bout d'un moment, je crois qu'il va quand même falloir aussi identifier l'endroit où on veut lutter. Je ne suis pas sûr que les communes plus le scrutin direct, ce soit beaucoup plus démocratique que les communes avec le scrutin indirect. Donc je crois qu'il faut aussi essayer de regarder concrètement ce qu'il y a derrière les mots. Et de ce point de vue, et j'en termine par là, une question intéressante me paraît être de savoir est-ce qu'on peut sortir d'une commune. Moi, à Bordeaux, quand on nous a présenté la commune, on ne peut être que, si on en sort, membre associé de la commune. C'est-à-dire que la commune devient, sur le modèle des cliquets bien connus, un indépassable. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière possible, ou du moins, c'est pensé comme tel. Ça aussi, je crois que, vu toutes les implications possibles et imaginables, je crois que ça doit nous inviter à réfléchir beaucoup sur, un, la rapidité, et deux, le fait que ça pourrait être une forme de mécanisme irréversible. Je crois que nous devons nous garder de réfléchir toujours dans les termes de nos réformateurs. Alors, l'humour est un moyen, je crois, de désamorcer un certain nombre de choses, mais nous devons toujours lui adjoindre la critique qui va avec. C'est bien parce que ces argumentaires ne tiennent sur rien, sinon sur ces évidences qui ne sont plus jamais questionnées. Il faut être gros, c'est la lutte, c'est la compétition, on ne sait même pas avec qui on se bat, mais on est censé être toujours en guerre et en compétition contre on ne sait qui. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut aussi, de façon humoristique ou non, poser la question, mais est-ce qu'on a envie de se battre? Est-ce que c'est ça la finalité de l'université? Est-ce que c'est se battre? Et si oui, avec qui? Pourquoi faire? Dans quel but? Je crois que ces questions, il faut aussi qu'on les utilise pour lutter contre les communes et pas uniquement essayer de lutter techniquement contre les communes. Car je crois que la lutte technique a ses propres limites, même si elle doit être menée jusqu'au bout, dans les CA et partout où c'est possible. Merci. Je vais passer la présidence à Sophie Desrosiers et appeler à la tribune Pascal David, Jean-Louis Fourdal, Pascal Laborier, Emmanuel Tixier-Dubénil, Stéphane Beau, et Marie-Alban de Surmain, s'il vous plaît, venez vous asseoir ici.